Chapitre 9. Comme Jésus passait en un certain endroit, il vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents? » « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents, » répondit Jésus. « Il est aveugle pour qu'apparaisse l'œuvre que Dieu peut accomplir en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha à terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il pouvait voir. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant dirent alors, « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis et qui mendiait ?»« C'est lui, » disaient les uns. « Non, » disaient d'autres, « ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » L'homme, quant à lui, affirmait, « C'est bien moi. » « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» lui demandèrent-ils. Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, en a frotté mes yeux et m'a dit, « Va à Siloé te laver la figure. » J'y suis allé, et après m'être lavé, j'ai pu voir. Ils lui demandèrent, « Où est cet homme ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux, un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé, pour que maintenant il voie. « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, » leur dit-il. « Je me suis lavé la figure, et maintenant je vois. » Quelques-uns des pharisiens déclaraient, « L'homme qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme peut-il faire de tels miracles ? S'il est pécheur. » Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri, « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?»« C'est un prophète, » répondit-il. Cependant, les Juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir, avant d'avoir appelé ses parents pour les interroger. « Est-ce bien là votre fils ?» Affirmez-vous qu'il est né aveugle? Que s'est-il donc passé pour que maintenant il voie? Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour que maintenant il voie, et nous ne savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le, il est d'âge à répondre lui-même. » Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour chasser de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent, « Il est d'âge à répondre, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui ordonnèrent, « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non, » répondit-il. « Mais je sais une chose. « J'étais aveugle, et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?»« Je vous l'ai déjà dit, » répliqua-t-il, « mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois? Peut-être désirez-vous, vous aussi, devenir ses disciples. » Ils l'injurièrent et dirent, « Toi, tu es disciple de cet homme. Nous, nous sommes disciples de Moïse. » Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. Voilà bien ce qui est étonnant, leur répondit l'homme. Vous ne savez pas d'où il vient, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute l'homme qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à une personne née aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon? Et ils le chassèrent de la synagogue. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il le rencontra et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Maître, dis-moi qui c'est, répondit l'homme, pour que je puisse croire en lui. Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, dit l'homme, et il se mit à genoux devant Jésus. Alors Jésus déclara, je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques-uns des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, sommes-nous des aveugles, nous aussi? Si vous étiez aveugles, leur répondit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous dites, nous voyons, vous êtes toujours coupables.